Hey, c'est ton tir à l'appareil. Long time no sleep. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. En deux, dans un automatique, ça te sort le flingue. En le, on fait danser le game, on fait la brinque. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. On met le masque ou la cagoule, trop de rugby dans la zone. J'ai pas répondu présent pour ce Yankee parce que j'en ai un qui l'a vu au naso. J'ai traîné vers le four allumé, faut pas se faire péter les sous dans la poche. J'ai accéléré sur le boulevard, la mise à la louche, c'est nous dans la Porsche. Sur une roue, j'me crois dans les rues de Guadeloupe. Ça fait les fous. On monte le son, on est pas couché. J'arrive en zoom. J'ai pété le jambe, j'suis touché. T'entends le vroom. Bouteille de Grégoire obligé. La beuh dans le sac, les bleus dans le zoom. Bloqué dans le sas, ça peut te rendre fou. La peuh tu tournes, bienvenue dans le jazz. La beuh dans le sac. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. En deux, dans un automatique, ça te sort le flingue. En le, on fait danser le game, on fait la brinque. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. Dans la voiture décapotable toute la journée. Tous les patards pètent un câble, fait que tourner. Dans la voiture décapotable toute la journée. Tous les patards pètent un câble. Wesh poto, tu m'as reconnu. Sous la cagoule c'est Joule. J'évite les indiques, les poulets et les fils de qui me dégoûtent. J'ai le 50 dans le pochon. La vie m'a mouché. Postiché dans les bouchons. J'ai vu sur le coucher. Ils veulent mettre PV, j'suis un bébé. J'ai claquette et survêt BVB. J'ai mis le Marlboro OCB. J'ai le masque et la casquette d'épée. Sur une roue, j'évite les usurpateurs. J'te fais coucou. C'est moi sur 900 traceurs. Faut les sous. Y'a des charbonneurs, des gratteurs et des poupous. Et des charbons qui font plus d'un point par heure. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. En deux, dans un automatique, ça te sort le flingue. En le, on fait danser le game, on fait la brinque. La bebe, elle est tellement magique, ça me rend dingue. Dans la voiture décapotable toute la journée. Tous les patards pètent un câble, c'est que tourner. Dans la voiture décapotable toute la journée. Tous les patards pètent un câble. On n'est pas venu pour regarder la coupe, on va la soulever. J'ai entendu qu'ils allaient faire descendre, faut tout lever. Dis pas tes projets trop forts, ils peuvent te passer sous le nez. Tu vas être au top, faut taffer la nuit, la journée.